Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bien que Samuel Beckett ait toujours vécu le plus discrètement possible, l'ombre portrait de l'auteur de Molloy sur son œuvre n'en est pas moins considérable. Sa personnalité, que l'on croit austère, a parfois parasité l'interprétation de ses textes, surlignant leur tonalité crépusculaire et désincarnée. Pourtant, l'humour est toujours présent chez lui, que ce soit dans sa littérature comme dans sa vie, ainsi que nous l'a raconté lundi Nathalie Léger au cours d'une émission à retrouver en podcast. Puis mardi, avec Bruno Clément, nous avons parlé de cette œuvre entre deux langues, l'anglais et le français, ainsi que de la manière dont on peut appréhender les romans de Beckett. Et puis demain, nous élargirons notre problématique au lien entre l'auteur irlandais et les arts plastiques en particulier. Mais il sera aussi question de son travail pour la radio ou la télévision. Ce sera grâce à Guillaume Gévray. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler du théâtre de Beckett, nous sommes en compagnie de Catherine Nogrette, professeure d'histoire et d'esthétique du théâtre à la Sorbonne et à Louvain. Elle a publié un livre référence qui s'appelle « L'esthétique théâtrale » et qui a connu plusieurs éditions, dont la dernière en 2016 était chez Armand Collin. Elle est également l'autrice d'un essai intitulé « Le théâtre de Samuel Beckett » publié en 2017 aux éditions Ide et Calande à Lausanne. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres. Et c'est très curieux, Beckett, parce que j'ai l'impression qu'il a atomisé le théâtre, c'est-à-dire qu'on ne peut. Il a pris tous les ingrédients, il les a atomisés, et puis il s'en est servi autrement. Mais dans toutes les formes que le théâtre, les formes de la comédie, du burlesque, et en même temps du tragique grec, et tout est reconstitué, mais autrement. Bonjour Catherine Nogrette. Bonjour. Si Beckett a atomisé le théâtre, comme le disait en archive à l'instant Michel Bouquet, peut-être avait-il préparé le terrain, comme on l'a vu hier, en atomisant le roman ? Oui, c'est vrai que le théâtre, l'écriture dramatique intervient plus tardivement dans l'œuvre beckettienne et qu'il a commencé par une écriture poétique. Et une écriture narrative, et que le théâtre, sauf sous forme de fragments ou de parodies, lorsqu'il est encore à Dublin notamment, je pense la fameuse parodie du Cid de Corneille, lorsqu'il était à Trinity et qu'il avait monté une parodie qui s'appelait The Kid. Trinity College, donc la grande université de Dublin. La grande université de Dublin. Et il avait monté une version absolument parodique à travers Chaplin du Cid. Et donc là, c'était encore une farce, on peut dire, de potache, même si certains aspects de cette parodie, notamment une sorte de jeu sur l'unité de temps, va se retrouver dans son théâtre, dans son écriture dramatique par la suite. Mais c'est vrai que c'est seulement à la fin, et même juste après la Seconde Guerre mondiale, qu'il commence à écrire véritablement au théâtre. Donc une partie de son écriture romanesque, même si ça n'est pas la plus importante, a déjà été ouverte avec Murphy notamment et Watt, qui est le roman de 1945. Ceci étant, c'est à la fois comparable et en même temps, ça n'est pas la même chose ce qu'il va faire au théâtre de ce qu'il réussit à faire dans les romans. Alors quelle différence, et a-t-il choisi de passer au théâtre parce qu'il avait épuisé finalement le roman ? Oui et non, parce que en fait, pendant tout un temps, il va alterner romans et pièces de théâtre, et que de toute façon, il reviendra, même si à partir des années 60, il se consacre en grande partie au théâtre, il revient quand même à l'écriture narrative, notamment sous forme de nouvelles, de façon assez régulière. Mais en même temps, on peut supposer qu'effectivement, ce mécanisme d'épuisement que Gilles Deleuze a repéré à propos du théâtre de Beckett peut s'étendre à toute son œuvre dans tous ses aspects. C'est-à-dire que il y a un épuisement de la forme, des formes de l'écriture et de la fiction dans les romans, qui fait qu'à un certain moment, on peut se demander si, justement, il ne choisit pas un autre médium pour continuer l'aventure de l'écriture, je dirais. Mais après, comment va-t-il choisir, et le sait-on seulement, entre une forme ou une autre, un genre ou un autre ? Puisque finalement, les deux coexistent, cohabitent. Oui, les deux cohabitent, même si, en fait, il va y avoir une demande de plus en plus forte du côté du théâtre qui va... En même temps, l'amener beaucoup de ce côté-là, à la fois du côté de l'écriture et puis aussi d'ailleurs des réalisations scéniques puis télévisuelles, qui font que il va être occupé, on peut dire, par l'univers du théâtre de façon très intense, notamment dans les années 60-70. Et puis aussi par le fait que le succès qu'il va rencontrer au théâtre dépasse sans doute de loin celui que rencontrent ses romans. Alors, qu'il va rencontrer au théâtre, on pourrait même dire au théâtre au pluriel, parce qu'il y a plusieurs théâtres chez Beckett. Traditionnellement, on en distingue trois, même si le plus célèbre, c'est ce qu'on appelle la trilogie théâtrale de Beckett, avec En attendant Godot, Fin de partie et Oh les beaux jours. Catherine Nogrette, est-ce que vous pouvez déjà nous dire en quoi, avec ce premier cycle, on est déjà dans une disruption, pourrait-on dire, du théâtre classique, mais on n'est pas complètement dans ce qu'il fera plus tard, c'est-à-dire pousser l'expérimental encore plus loin. Oui, on est déjà, En attendant Godot a véritablement constitué une espèce de saut, renversement presque copernicien du modèle qu'on pourrait qualifier d'aristotélicien ou néo-aristotélicien, c'est-à-dire fondé sur une action, sur certains repères dans le temps et dans l'espace. Alors, sans remonter totalement aux trois unités, mais tout au moins un espace-temps avec ses repères et puis une action qui s'y déroule. Et dès En attendant Godot, il y a rupture effectivement avec ce modèle-là. Mais en même temps, c'est Bernard Dort qui le disait de façon très juste, Godot peut être considéré comme l'envers d'une pièce classique. C'est-à-dire que même si il n'y a plus d'espace repérable à part cette route à la campagne avec arbres. C'est une unité de lieu quand même. Mais on pourrait y revenir, oui. C'est une espèce de... Oui, mais c'est ce que dit Dort, c'est une réécriture des règles classiques, c'est-à-dire c'est un lieu mais qui à la fois est classique parce que c'est un point de rencontre assez abstrait comme dans les pièces classiques, et on sait que Beckett admirait beaucoup Racine et qu'il y a cette pureté de l'écriture classique qui l'attire. Donc, mais il y a aussi la répétition d'un temps non situable et sans repère. Et puis il y a la disparition de toute action. C'est surtout pour cela que Godot a été véritablement un choc. Et de la même façon, de façon plus accentuée pour Fin de partie, et puis Oh les beaux jours. Mais on a encore des pièces constituées avec des actes, avec des personnages qui portent des noms, qui sont identifiés, avec des dialogues et une certaine durée aussi. Ce qui ne sera plus le cas dans le second théâtre de Beckett, Catherine Nogrette ? Oui, alors il y a donc cette trilogie qui constitue ce qu'on appelle le premier théâtre de Beckett. Qui ne correspond pas forcément temporellement à un moment particulièrement unifié. C'est-à-dire que ce premier théâtre s'entremêle un petit peu avec le second théâtre. Oui, même si ce premier théâtre est franchement limité depuis 1948, c'est-à-dire Godot, hein, jusque au Les Beaux Jours, le tout début des années 60, mais commence à s'entremêler à ce premier théâtre, effectivement, ce qu'on pourrait appeler un second théâtre qui est fait d'expérimentations très diversifiées, très diverses, aussi bien avec des pièces radiophoniques. Et la première pièce radiophonique de Beckett est écrite en 1959. C'est sur des commandes de la BBC en général. C'est Embers. Elle est d'abord écrite donc en anglais, Cendre en français. Donc on a une expérimentation du côté qui est très intéressante du côté du théâtre radiophonique. Où là, il va finalement plus loin dans l'éclatement, l'explosion du théâtre classique. Oui, mais en même temps, là aussi, il va partir finalement d'une... Cendre est déjà assez éclatée, mais je n'ai pas parlé. En 1956, en fait, il y a une toute première pièce pour la radio qui est « Tous ceux qui tombent ». Et « Tous ceux qui tombent » est, je dirais presque l'équivalent de Murphy, par exemple, pour le théâtre radiophonique. C'est-à-dire, c'est le monde de l'Irlande. Le monde de l'enfance irlandaise de Beckett, ça se passe en Irlande, c'est monsieur et madame Rooney qui sont un vieux couple déjanté qui revient à travers la campagne irlandaise depuis la gare où elle est allée le chercher. Et donc on a un univers sonore de bruitage d'ailleurs qui vraiment est un univers situable, alors là fictionnel, qui est celui de l'Irlande. Et cet univers là justement va, ce paysage sonore va disparaître dès la pièce qui s'appelle Cendre, qui se passe sur une espèce de rivage avec des bruits de mer sur les galets, mais où il n'y a plus aucun repère d'ordre, justement, référentiel. Qui t'a esquinté ? Raconte-moi. Voilà encore une journée de tirée. Pas encore ? Pour moi, elle est terminée. Quoi qu'il arrive. Tout à l'heure, tu chantais. Je t'ai entendu. C'est vrai, je me rappelle. Cela m'a fait de la peine. Je me disais, il est seul, il me croit parti pour toujours. Et il chante. On ne commande pas son humeur. Toute la journée, je me suis senti dans une forme extraordinaire. Je ne me suis pas levé de la nuit, pas une seule fois. Tu vois, tu pisses mieux quand je ne suis pas là. Tu me manquais, et en même temps, j'étais content. N'est-ce pas curieux ? Content. Ça n'est peut-être pas le mot. Et maintenant ? Maintenant, te revoilà. Nous revoilà. Me revoilà. Tu vois, tu vas moins bien quand je suis là. Moi aussi, je me sens mieux seul. Alors, pourquoi rappliquer ? Je ne sais pas. Mais moi, je le sais parce que tu ne sais pas te défendre. Moi, je ne t'aurais pas laissé battre. Tu n'aurais pas pu l'empêcher. Pourquoi ? Ils étaient 10. Mais non, je veux dire que je t'aurais empêché de t'exposer à être battu. Je ne faisais rien. Alors, pourquoi ils t'ont battu ? Je ne sais pas. Non, vois-tu, Gogo, il y a des choses qui t'échappent, qui ne m'échappent pas à moi. Tu dois le sentir. Je te dis que je ne faisais rien. Peut-être bien que non, mais il y a la manière. Il y a la manière. Si on tient à sa peau. Enfin, ne parlons plus de ça. Te voilà revenu. Et j'en suis bien content. Ils étaient 10. Toi aussi, tu dois être content au fond. Avoue-le. Content ? De quoi ? De m'avoir retrouvé. Tu quoi ? Dis-le, même si ça n'est pas vrai. Qu'est-ce que je dois dire ? Dis, je suis content. Je suis content. Moi aussi. Moi aussi. Nous sommes contents. Nous sommes contents. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est content ? On attend Godot. C'est vrai. Thank you. essaiera de revenir, Catherine Nogrette, avec vous sur le Théâtre 3, qui est au fond un approfondissement dans l'expérimentation de ce que Beckett avait fait avant. Mais il faut quand même s'arrêter sur ce qui constitue sans doute le théâtre le plus célèbre de Beckett, le premier théâtre, cette trilogie, et en particulier En attendant Godot, dont on entendait à l'instant un extrait interprété par Lucien Rimbourg et Étienne Berry. Ça a été un grand succès, cette pièce, En attendant Godot, succès peut-être inattendu quand même, compte tenu justement de sa singularité. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous, Catherine Nogrette? Oui, c'est un succès inattendu, d'autant que la création s'était faite devant un tout petit public, dans ces petits théâtres, l'un de ces petits théâtres qu'on appelait les Pissotières de la rive gauche, le théâtre de Babylone. Où s'est quand même inventé tout un théâtre à cette époque-là. Où s'est inventé le théâtre d'avant-garde des années d'après-guerre, oui, tout à fait. Et ce théâtre était dirigé par Jean-Marie Serrault, et c'est Roger Blin qui avait pris le risque de monter cette pièce, après avoir refusé d'ailleurs à regret la toute première, et le Théria qui comptait 17 personnages, et donc il n'avait pas les moyens du tout de monter cette pièce-là. Qui est une pièce un peu oubliée d'ailleurs aujourd'hui? Mais qui est une pièce complètement oubliée parce que elle a été refusée pour cette raison-là, et puis peut-être parce qu'il y avait des maladresses tout simplement, hein. C'était une pièce encore un peu fondée sur des emprunts à Vitrac, Victor ou les enfants au pouvoir, enfin encore très parodique. Très parodique. Et puis les 17 personnages. Et 17 personnages. Difficile à mettre sur une petite scène d'un théâtre de la rive gauche. C'est un budget qui dépassait de loin ce théâtre pauvre. Et puis Godot a tout de suite séduit Roger Blin, qui jouait Pozzo d'ailleurs dans la création. Et donc on raconte toujours que c'était par un mois de janvier froid. Oui. C'est important. En 1953 que la création a eu lieu. Et en fait, très vite, cette pièce, par sa radicalité, hein, et par aussi, vous le soulignez tout à l'heure, son humour, son comique, et par les grands interprètes. Hein, et par l'époque aussi, qui porte quand même ce genre de théâtre, parce que c'est l'époque où Ionesco, ou Adamov, ou tout ce théâtre de l'absurde va quand même faire son apparition, et on a l'impression qu'on peut, alors ça c'est une grande question, hein, qu'on peut d'ailleurs soulever avec vous, les rapprocher. Il y a un mouvement quand même qui va vers ce théâtre-là. Oui, ben c'est un théâtre évidemment qui correspond à la période de l'après-guerre, qui fait suite justement au choc de la Seconde Guerre mondiale et des horreurs qui se sont passées pendant la guerre et notamment les crimes contre l'humanité qui ont d'une certaine façon à la fois révélé des abîmes de souffrance et en même temps une absence de sens. Le monde est devenu fou. Et donc, il y a toute cette mouvance qu'on a appelée, c'est le livre de Martin Esslin, Le théâtre de l'absurde. Alors, on a beaucoup critiqué cette étiquette, c'est comme le nouveau roman, en disant, bon, ça ne correspond à rien. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de ces étiquettes-là, il y a des auteurs extrêmement différents, des œuvres extrêmement différentes. Mais en même temps, c'est vrai qu'elles désignent quelque chose, hein, une certaine perte de sens. Une certaine réflexion aussi, surtout chez Beckett, sur comment représenter encore le monde, qui fait écho à ce qu'ont vécu les spectateurs. Et dont on a l'impression que lui et quelques autres, mais peut-être lui beaucoup, ouvrent une brèche à ce moment-là fondamentale qui va permettre à tout un théâtre, et peut-être encore jusqu'à aujourd'hui, d'exister, qui va libérer finalement une certaine forme d'écriture et de représentation du théâtre. Oui, il y a un besoin de renouveau, c'est clair. Hein. On ne peut plus faire le même théâtre qu'avant, on ne peut plus être dans la croyance que l'on peut encore représenter le monde, donner du sens au monde que l'on peut jouer de façon traditionnelle et finalement comme si rien ne s'était passé. Vous me demandez mes idées sur En attendant Godot, dont vous me faites l'honneur de donner des extraits au club d'essai, et en même temps mes idées sur le théâtre. Je n'ai pas d'idées sur le théâtre. Je n'y connais rien. Je n'y vais pas. C'est admissible. Ce qu'il est sans doute moins, c'est d'abord, dans ces conditions, d'écrire une pièce, et ensuite, l'ayant fait, de ne pas avoir d'idées sur elle non plus. C'est malheureusement mon cas. Il n'est pas donné à tous de pouvoir passer du monde qui s'ouvre sous la page à celui des profits et pertes, et retour imperturbable, comme entre le turbin et le café du commerce. Je ne sais pas plus sur cette pièce que celui qui arrive à la lire avec attention. Je ne sais pas dans quel esprit je l'ai écrit. Je ne sais pas plus sur les personnages que ce qu'ils disent, ce qu'ils font et ce qui leur arrive. De leur aspect, j'ai dû indiquer le peu que j'ai pu entrevoir. Les chapeaux melons, par exemple. Je ne sais pas qui est Godot. Je ne sais même pas, surtout pas, s'il existe. Et je ne sais pas s'ils y croient ou non, les deux qui l'attendent. Les deux autres qui passent vers la fin de chacun des deux actes, ce doit être pour rompre la monotonie. Tout ce que j'ai pu savoir, je l'ai montré. Ce n'est pas beaucoup, mais ça me suffit, et largement. Je dirais même que je me serais contenté de moins. Quant à vouloir trouver à tout cela un sens plus large et plus élevé à emporter après le spectacle avec le programme et les Esquimaux, je suis incapable d'en voir l'intérêt. Mais ce doit être possible. Je n'y suis plus et je n'y serai plus jamais. Estragon, Vladimir, Pozzo, Lucky, leur temps et leur espace, je n'ai pu les connaître un peu que très loin du besoin de comprendre. Ils vous doivent des comptes peut-être, qu'ils se débrouillent, sans moi. Eux et moi, nous sommes quittes. And now we bring you a roundup of today's news, read by the moon in Mexico. Who was ever my pound in my cheek in the cold they are? Repeat after me. The words as a sous-titrage. Une archive de Roger Blin lisant une lettre de Beckett envoyée au club d'essai. Voilà. Comme ça, c'est simple. Personne ne sait rien sur cette pièce. Pas même son auteur, Catherine Nogret. Peut-on vraiment le croire ? Oui et non, ça fait partie d'affirmations extrêmement célèbres de Beckett, qui déclarait à l'emporte-pièce que Godot, il fallait surtout pas penser à Dieu, à God, mais à Godillot. Et effectivement, donc il fallait bien penser à quelque chose. Effectivement, alors. Dans la pièce, les chaussures d'Estragon ont une part très importante. Les godillots d'Estragon, qui le font souffrir, occupent une part importante. La pièce commence dessus, d'ailleurs, commence sur le fait que Estragon n'arrive pas à mettre ses chaussures ou n'arrive pas à les enlever. Donc, mais c'est en même temps, c'est tout l'humour de Beckett qui est là. Ce qui est sûr, c'est que ça fait beaucoup penser aussi au nouveau roman, c'est-à-dire que tout est dans l'écriture, tout est là sur la page, il n'y a rien à chercher derrière. Ce qui se passe, c'est les mots. Ce qui se passe, c'est la forme, ce sont les jeux, alors au théâtre, ce sont les gags dans Godot, les échanges verbaux qui sont souvent très brillants, mais presque vides de sens, qui sont des jeux sur les mots. Hein. En même temps, moins on charge de sens une œuvre, et Dieu sait que les pièces de Beckett seront de moins en moins chargées de sens. Hein. À la fin, on sera au bord du silence, au bord du vide. C'est le fameux théâtre 3. Voilà, mais plus le spectateur est libre de projeter, et plus il projette, effectivement, de sens. Alors, par exemple, vous projetez un sens, je crois, on m'a glissé ça à un invité de cette semaine, sur le fait que, en attendant Godot, il y a quatre personnages qui renvoient à quatre nationalités différentes. Pozzo, l'italien, Lucky, l'anglais ou l'américain, Vladimir, le russe, Estragon, le français. Oui, on peut... Non, je ne me focalise pas tellement sur ces quatre nationalités. mais il est sûr que Beckett... il sème des petits cailloux comme le petit poussé, si vous voulez, quand il évoque l'histoire des deux larrons et l'un des deux qui est sauvé, lorsqu'il fait des allusions lui-même à sa vie, lorsqu'il s'est réfugié à Roussillon, dans le Vaucluse, quand, pour échapper à la Gestapo. Donc ça devient la mère de Cluse dans En attendant Godot. Il fait même allusion à Bonelli, le vigneron chez lequel il travaillait. Donc il y a vraiment des... Et puis ne serait-ce que le Godot. Alors Godot, il y a Godillot, il y a Godet, il y a Godin, il y a toute une série de jeux de mots que Pozzo... fait à propos de sa pipe, d'ailleurs, à l'intérieur de la pièce. Mais il y a des amorces, si vous voulez, il y a des amorces. Et effectivement, comme l'activité la plus respectable des critiques et des spectateurs est de chercher à donner du sens et à comprendre, on s'accroche à ces fétus de paille. Alors chronologiquement, après dans la trilogie, il y a fin de partie, oui. Fin de partie dont vous avez d'ailleurs apporté un vieil exemplaire, votre exemplaire d'époque. Et pour vous, cette pièce, c'est au fond la pièce somme, celle à l'intérieur de laquelle Beckett met tout ce qu'il a, non pas théorisé, mais tout ce qu'il a travaillé dans son théâtre. Il le met, alors il ne peut pas tout mettre consciemment parce que évidemment il va encore écrire pas mal de choses après fin de partie, mais c'est une pièce d'abord c'était la pièce que Beckett préférait. Il le dit lui-même. Il a expliqué pourquoi ou il a simplement dit qu'il non, la préférait sans, aux autres. Non, sans expliquer véritablement pourquoi, mais on le comprend très facilement parce que c'est une pièce qui est à la croisée des chemins, c'est-à-dire c'est une pièce qui à la fois reprend Godot, mais en étant déjà une version amoindrie, enfin une version dégradée de Godot, notamment par rapport au personnage. Âme est devenue paralytique et aveugle, Clove ne peut presque plus rien faire, les géniteurs sont dans des poubelles, mais enfin on a encore un quatuor de personnages, on a encore deux actes, non pardon, on n'a pas deux actes, c'est dans Les Beaux Jours, mais on a encore une pièce qui quand même fait une centaine de pages, donc on a quand même quelque chose d'important. C'est pas les dramaticules. On n'est pas dans les dramaticules, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus abstrait déjà, on a beaucoup comparé fin de partie à un jeu d'échecs. Et on est dans une pièce où il y a énormément de mise en abîme, c'est-à-dire où il y a une sorte de métadiscours à travers âme par rapport à ce que c'est que le théâtre. Alors justement, il y a cette phrase qui est très très belle et qui est, selon vous, vous le dites dans votre livre, Catherine Nogrette, l'une des plus belles descriptions métaphoriques de ce qu'est le théâtre. C'est la toute fin de la pièce, dans un monologue où âme finit par dire « Le souffle qu'on retient, et puis il expire, puis parler vite des mots » comme l'enfant solitaire qui se met en plusieurs, deux, trois, pour être ensemble et parler ensemble dans la nuit. C'est ça le théâtre. Oui, c'est une très très belle image de ce que c'est que le théâtre, effectivement. C'est se parler à soi-même. C'est se démultiplier, hein, c'est se mettre en voix de façon dialogique et donc... faire parler entre elles les différentes voix que l'on a en soi. Et ça, c'est véritablement un phénomène très, très beckettien. C'est-à-dire, il le dit dans l'innommable, c'est entièrement une question de voix. Entièrement. Que reste-t-il de toute cette misère? Une fille dans un vieux manteau vert sur un quai de gare? Non. Quand je regarde, Krapp débranche l'appareil, rêvasse, regarde sa montre, se lève et s'en va au fond de la scène dans l'obscurité. 10 secondes. Bruit de bouchon qu'on tire. 10 secondes. Second bouchon. 10 secondes. Troisième bouchon. Bribe soudaine de chant chevrotant. Krapp chantant. L'ombre descend de nos montagnes. L'azur du ciel va se ternir. Le bruit se tait. Accès de tout. Il revient dans la lumière, s'assoit, s'essuie la bouche, rebranche l'appareil, reprend sa posture d'écoute. La bande. Quand je regarde en arrière vers l'année écoulée, avec peut-être je l'espère, quelque chose de mon vieux regard à venir. Il y a naturellement la maison du canal où maman s'éteignait, dans l'automne finissant, après une longue viduité, crap sursaute. Et le crap débranche l'appareil, ramène la bande un peu en arrière, approche l'oreille de l'appareil, le rebranche. S'éteignait dans l'automne finissant, après une longue viduité, et le crap débranche l'appareil, lève la tête, regarde dans le vide devant lui. Ses lèvres remuent sans bruit en formant les syllabes de viduité. Il se lève, s'en va au fond de la scène dans l'obscurité, revient avec un énorme dictionnaire, s'assoit, le pose sur la table et cherche le mot. Crap, lisant dans le dictionnaire, état ou condition de qui est ou demeure, veuf ou veuve. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alors en 1958, Beckett compose la dernière bande, on vient d'entendre un extrait, ici interprété par Denis Podalydès, donc c'est avant finalement qu'il close sa trilogie, puisque Olé beau jour ce sera en 1960. Ça c'est la pièce d'un dialogue avec soi-même à travers un magnétophone, puisque Krapp réécoute des bandes qu'il a enregistrées 30 ans plus tôt. Est-ce que là, on est un petit peu dans autre chose déjà par rapport à cette fameuse trilogie? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette pièce, Catherine Dogrette? Il y a beaucoup de choses dans cette pièce, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est dans une de ces pièces expérimentales du second théâtre qui vont annoncer le mieux la troisième phase de l'œuvre dramatique beckettienne. Où, alors là, on va être dans une utilisation de médiums qui sont tout à fait non scéniques, puisque on va être sur du théâtre télévisuel, notamment. Beckett va passer à l'écran. ce sera la télévision à cette époque-là, parce que c'est le grand moyen de passer à l'écran, mais on pourrait dire qu'il préfigure l'art des vidéastes aujourd'hui, hein. On est des installations vidéo. Alors avec la dernière bande, il faut bien se rendre compte, aujourd'hui ça nous paraît presque démodé, dépassé. On est allé bien plus loin dans les nouvelles technologies, mais au moment où il écrit la dernière bande, c'est la dernière technologie la plus avancée. Enfin, c'est comme c'est une pièce d'une audace. Des réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, c'est d'une audace extraordinaire à cette époque-là de mettre en scène le dialogue d'un homme avec lui-même à travers l'utilisation d'un magnétophone. Alors évidemment, à chaque fois qu'apparaît, vous savez, une nouvelle technologie, les dramaturges s'en emparent. Par exemple, l'invention du téléphone, il y a eu plein de pièces qui se faisaient avec des téléphones. Mais le magnétophone, c'est vraiment un très bel exemple. Mais en même temps, c'est plus qu'un gadget, puisque c'est un moyen que Beckett utilisera beaucoup, de dialoguer avec soi-même et d'avoir une diffraction des voix par le biais d'une voix enregistrée. Et en même temps, une diffraction dans le temps, ce qui est absolument remarquable. C'est-à-dire que... Et ce que chacun de nous peut éprouver, c'est-à-dire... Vous parliez tout à l'heure des spectateurs qui éprouvait ce que Beckett avait montré sur scène. Là, chacun peut se retrouver à travers ce vieil homme qui revit sa vie en se traitant de jeune crétin, d'ailleurs, parfois. Oui, mais en regrettant aussi de ne plus être un jeune crétin. Oui, enfin, de ne plus être jeune, c'est toujours ambigu chez Beckett, mais c'est à la fois la distance et puis les moments où il revit... où il s'identifie avec celui qu'il a été, et il y a des moments, il y a parmi les moments les plus lyriques chez Beckett dans la dernière bande, et puis il y a tout un jeu très concret avec les bobines, le mot même fascine le personnage. C'est une très belle pièce que Beckett a mise en scène avec Pierre Chabert, et qui a été joué à de nombreuses reprises. Bob Wilson en a fait une très belle interprétation et actuellement, il y a eu à Avignon, il va y avoir Denis Lavant dans le rôle. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de didascalies dans cette pièce, comme il y en a souvent chez Beckett? Et d'ailleurs, il faut les respecter très précisément, parce que Beckett n'aimait pas qu'on prenne des latitudes trop grandes par rapport à ce qu'il indiquait aux acteurs. Non, c'est quelque chose de très connu. Beckett enfermait justement les acteurs et les metteurs en scène dans un réseau, un maillage très serré de didascalie. Il y a toujours eu beaucoup de didascalie chez Beckett. Au départ, elles sont encore un peu, séparées des connaissances scéniques, scénographiques et techniques sur le théâtre que Beckett va acquérir petit à petit. Quand lui-même passera quand, à quand lui-même la mise en scène. Va d'abord suivre les mises en scène, il suit de très près le travail de Roger Blin, de ses metteurs en scène, etc. Puis petit à petit, donc il va passer à la mise en scène. Et de plus en plus, donc l'appareil didascalique va devenir une véritable inscription de la mise en scène dans le texte. Et donc une tentative, il est vrai, de fixer les textes dans une mise en scène dont on ne peut pas sortir. Alors, il y a beaucoup d'indications scéniques de didascalie dans la dernière bande, mais on n'est pas encore au point où, comme Beckett va le faire plus tard, et notamment dans son troisième théâtre, où on aura vraiment des pièces entièrement didascaliques. Il y a aussi beaucoup de didascalie pour une dernière raison que j'aimerais souligner, c'est le fait qu'il y a un langage des gestes qui est inscrit dans les pièces. Donc les gestes sont très précisément là encore décrits. Absolument. Alors il y a deux pièces de Beckett, Acte sans parole 1, Acte sans parole 2, qui sont justement sans parole, qui sont fondées sur un langage, le langage des gestes. Il y aura Quad à la fin de l'œuvre Beckettienne, pièce pour la télévision avec quatre interprètes et des percussions. Et puis, il y a à l'intérieur même des pièces, le début de fin de partie, vous me demandiez pourquoi fin de partie était une pièce somme, par exemple, tout le début de fin de partie, c'est une pantomime de Clove qui ouvre la pièce d'une certaine façon, qui aménage l'espace, etc. Et dans la dernière bande, c'est pareil, il y a tout un jeu avec Crap qui mange des bananes, etc. Toute une série de, finalement, très comique, une pantomime de crabe pour ouvrir la pièce. Donc il y a vraiment une part didascalique qui correspond à ce que Diderot demandait, c'est-à-dire l'écriture de la pantomime, une écriture de la pantomime. Et est-ce que la manière dont c'est rédigé, dont ces didascalies sont écrites, ça fait partie aussi de la littérature de Beckett? Quand on lit la pièce, par exemple, dans un livre, sans la voir représentée, est-ce que vous pensez qu'il l'a pensé aussi cela comme ça dans l'écriture des didascalies? Alors c'est moins net chez Beckett que chez d'autres auteurs, c'est-à-dire la part d'écriture de didascalique, la part créative, disons, du point de vue de l'écriture ou du langage. Mais il est bien évident que elles sont écrites par Beckett et qu'il y a donc c'est forcément... il y a une écriture, bien sûr, dans les didascalies. Je dirais même qu'elle lui échappe peut-être parfois, même si il y a chez Beckett un côté très très mécanique, enfin la volonté d'être très précis, d'être très... On n'est pas dans le style ni dans l'ornementation, il s'agit d'avoir sur scène exactement ce qu'il souhaite. Voilà, donc il y a une mesure du temps très précise et il y a des schémas, des diagrammes qui montrent les positions des personnages, les mouvements des personnages et qu'on retrouve d'ailleurs dans les carnets de mise en scène de Beckett. Est-ce que les metteurs en scène se sont plaints d'être précisément enfermés dans ces indications? Ah bien sûr, parce que... alors. Même encore du vivant de Beckett, bien sûr, il y a eu des interdictions. Il y en a eu une retentissante en 1988. Je crois que c'est 1988. Gildas Bourdet avait entrepris de monter fin de partie à la Comédie-Française en sortant totalement de l'appareil didascalique de la pièce, en introduisant des couleurs vives, etc. Et donc Beckett, parce que même les couleurs sont précisées. On parle d'un décor. Bien sûr, le gris, gris est très, voilà, comme dit Beckett dans fin de partie, noir clair, mais enfin, c'est le gris. Et donc Beckett, qui était très malade, mais enfin a fait interdire la pièce. C'est Jérôme Lindon qui l'a interdite. Gildas Bourdet a fait retirer son nom de l'affiche et tout a été joué sous des draps gris, justement. Et j'ai assisté à cette mise en scène. Et à un seul moment, il y avait deux secondes où était demeurée la trace de la mise en scène de Bourdet, où Nell, la génitrice qui est dans une poubelle, sortait de sa poubelle en tutu rose paillette. Étendue d'herbe brûlée s'enflant au centre en petits mamelons. Pente douce à droite et à gauche. Derrière, la fuite et la rencontre au loin d'un ciel sans nuages et d'une plaine dénudée. Lumière aveuglante. Enterrée jusqu'au-dessus de la taille dans le mamelon, Winnie. La cinquantaine, de beau reste, bras et épaules nus, corsage très décolleté, collier de perles. À côté d'elle, à sa gauche, un grand sac noir, genre cabas, et à sa droite, une ombrelle. Derrière elle, allongée par terre, caché par le mamelon, Willy. Réveillé par une sonnerie perçante, Winnie a commencé sa journée. Elle a tiré successivement de son cabas une brosse à dents, un tube de pâte dentifrice, une petite glace, des lunettes et leur étui, un bâton de rouge à lèvres, une toque genre bibi. Elle tentera à plusieurs reprises et avec un résultat de plus en plus précis de lire l'inscription gravée sur le manche de sa brosse à dents. La journée est déjà bien avancée. Le vieux style. Cependant, il est encore un peu tôt, sans doute, pour ma chanson. Chanter trop tôt est une grave erreur, je trouve. Il y a le sac, bien sûr. Le sac. Saurais-je en énumérer le contenu ? Non. Saurais-je répondre si quelque bonhomme venant à passer me demandait « Oui, mais ce grand sac noir, de quoi est-il rempli » Saurais-je répondre de façon exhaustive ? Non, les profondeurs surtout. Qui sait quel trésor ? Quel réconfort ! C'est de « Oh les beaux jours » interprété par Roger Blin et Madeleine Renaud. C'est donc la troisième pièce, la troisième grande pièce de la trilogie de Beckett. Catherine Nogrette, qu'est-ce que vous avez entendu à la réécoute de cet extrait, vous qui avez dû l'entendre et la lire des dizaines et des dizaines de fois ? C'est toujours d'abord très émouvant d'entendre Madeleine Renaud dans le rôle de Winnie. Moi-même, toute jeune étudiante arrivant à Paris en 78, j'avais eu le bonheur d'assister à la mise en scène et à l'interprétation de Madeleine Renaud. Mais elle a dû le jouer. C'était au rond-point. Oh, elle l'a joué une vingtaine. Non. Une vingtaine d'années. Ah, une vingtaine d'années. Entre la création en 63 et jusqu'à au début des années 80. Enfin. Et c'est vraiment toujours émouvant parce que, pour je dirais pas des générations, mais presque, ça a été la figure de Winnie. Elle a incarné Winnie. Et Beckett était absolument fasciné par son interprétation. Pour lui aussi, c'était l'interprète de Winnie dans Oh les beaux jours. Et c'est vrai que c'est d'autant plus émouvant que cette femme, pour la première fois, il y a une femme qui est au centre d'une pièce beckettienne, après un univers de personnages masculins, en attendant Godot, dans Fin de partie. Vous avez cette femme grassouillette d'une cinquantaine d'années qui est là plantée dans un mamelon de terre dont elle est, elle constitue le centre, enterrée d'abord jusqu'à la taille, puis jusqu'au cou dans le second acte. Hein. Et c'est son quasi-monologue, son soliloque, dirait Beckett, qui constitue la pièce. Mmh. Avec quelques retours, mais sous forme de grognements ou de bribes de répliques qui émanent de son mari, Willy. Qu'elle réveille en lui jetant son parapluie sur la tête. Oui, parce que en même temps, le fait d'être perçu, comme souvent chez Beckett, est essentiel. C'est-à-dire que on peut parler en solitaire, mais à condition que quelqu'un vous regarde, que quelqu'un vous écoute. Donc elle a son sac, et dans son sac à main, elle a un certain nombre d'objets. Et vous parlez beaucoup dans votre livre, Catherine Nogrette, des objets chez Beckett. Pourquoi sont-ils si importants ? Alors les objets sont importants chez Beckett, dans les romans déjà, pour les personnages des romans qui tiennent beaucoup à ce qu'ils appellent leur possession, qui en font régulièrement l'inventaire. Et il y a la trace de ça justement au début, au commencement du théâtre beckettien, dans Un attendant Godot. Pozzo est très attaché à la montre qu'il tient de son grand-père, à sa pipe, etc. Ça se retrouve dans fin de partie, le mouchoir de Ham, son chien en pluche, etc. Et particulièrement dans Olé beau jour, avec ce sac qui est l'attribut féminin par excellence, cet énorme sac d'où Madeleine Renaud, puisqu'on parle d'elle, c'est-à-dire Winnie, va extirper au premier acte, toute une série d'objets familiers, oui, parfois inattendus, comme la brosse à dents et surtout comme le revolver. Oui. le cher vieux Brownie, pour lequel elle a une grande tendresse. Et puis, dans le second acte, elle va tenter de refaire l'inventaire, parce que c'est de ça qu'il s'agit, à partir des yeux et de la parole, puisqu'elle ne peut plus bouger, sauf les yeux, puisqu'elle est enterrée jusqu'au cou. Mais en même temps, ces objets permettent d'avancer la journée. Ils servent de support au monologue. Enfin, elle parle de ces objets, elle leur parle. Et c'est ce qui permet de passer le temps. Est-ce qu'il y a de la tendresse chez Beckett pour les objets qui semblent soit rappeler l'enfance, soit parfois être des personnes? On a l'impression que les personnages parlent aux objets. Oui, il y a sans doute une certaine tendresse pour les possessions, justement. En même temps, ce sont des objets dont il va falloir se défaire. Hein. Selon le mécanisme de privation qui est à l'œuvre chez Beckett, et petit à petit, les objets vont disparaître. On trouvera des espèces d'objets décors, les jarres dans lesquelles les personnages sont enterrés jusqu'au cou, comme dans Les Beaux Jours, dans la pièce comédie, le banc, dans Va-et-Vient. Et puis, petit à petit, c'est un univers tellement dépouillé, tellement abstrait, qui va prendre la place, qu'il n'y aura plus... Les objets ne pourront plus demeurer sur la scène du théâtre. Beckett, dans sa prose, s'est mise à éliminer, toujours éliminer des choses qu'on croyait déjà réduites au maximum. Quand dans le théâtre, ça a été le même phénomène. Une pièce comme Godot paraît longue et pleine d'actions et de personnages par rapport aux pièces les plus récentes. Pas moi, il y a une bouche. Dans Un attendant Godot, il y avait 5 personnages. Mais dans un attendant Godot, on avait dit, ah ben voilà, c'est la phase ultime du théâtre, on ne peut pas aller plus loin. Dans l'univers de Beckett, parler, c'est être. Je suis, donc je parle, et je parle, donc je suis. Le personnage beckettien se sent obligé de raconter son histoire. Voilà ce que le personnage beckettien tâche de faire et en même temps tâche de ne pas faire. Il y a toujours cette ambivalence et ambiguïté par rapport au récit de l'expérience personnelle vécue. Et cette archive de l'universitaire Tom Bishop, le personnage beckettien, il s'agit toujours de le rendre plus d'éliminer autour de lui, de ne faire qu'il n'y ait plus que lui, voire même plus que sa bouche ou plus que ses yeux. Il se rétrécit comme ça au fur et à mesure, Catherine Legret. Oui, absolument. Il se rétrécit d'abord du point de vue de son identité. On passe de noms, même si ce sont des noms souvent qui reposent sur des jeux de mots, Pozzo, Lucky, celui qui a la chance mais qui est un pauvre clown maltraité, Estragon et Vladimir, Gogo Didi, là aussi des noms de clowns, hein, je soulignerais vraiment le côté rapport et influence du cirque et du musical, hein, on l'a beaucoup remarqué sur... En attendant Godot, mais c'est un univers justement des arts du spectacle vivant qui est important pour Beckett et qui va jusqu'à la marionnette et qui exerce véritablement une influence sur sa vision des personnages qui vont devenir de plus en plus marionnettiques aussi d'une certaine façon. Donc des noms, puis des initiales. F1, F2, H pour la première femme, la seconde femme, l'homme dans comédie. Et puis ensuite, des fonctions. Celui qui écoute, le lecteur, celui qui lit, etc. Donc la l'auditeur, dépersonnalisation. Une dépersonnalisation croissante. Voilà, absolument. Et bien sûr, une raréfaction, enfin, un phénomène de disparition, on peut dire de quasi-disparition, de spectralité, si je puis dire, galopante, puisque petit à petit, les corps eux-mêmes vont être d'abord handicapés, mutilés, réduits, alors à une bouche, phénomène métonymique hein, pour le où corps. Là, il y avait... Une tête, une bouche. Hein, dans Pas moi, il n'y a plus que la bouche et la voix. Donc c'est beaucoup des effets de lumière, parce que d'ailleurs, c'était très compliqué pour les acteurs parce que il y avait sur leur bouche un faisceau lumineux et il fallait qu'ils restent pendant toute la durée de la pièce. Oui, c'était une torture pour les acteurs. Oui, il fallait pas sans bouger absolument pour qu'il n'y ait que leur bouche qui soit éclairée et visible du public. Oui, oui, Billy Whitelaw, qui a été vraiment la grande interprète du monde anglo-saxon pour Beckett, décrivait. C'était une torture quasi médiévale. Et à un moment même, ils avaient imaginé de bloquer la tête avec des sangles. Enfin, ça, c'était absolument horrible. Il n'avait pas beaucoup de compassion pour les acteurs. Si, mais il avait une exigence plus grande du point de vue de la régularité, du point de vue de la précision. Hein. Et donc, il exige beaucoup de ses acteurs, alors au fur et à mesure, justement, que les personnages n'ont plus d'identité, n'ont plus de corps, et qu'ils deviennent des images très floues, d'ailleurs, des visages très très flous sur l'écran. Donc, ça exige aussi de l'acteur une espèce de... plus qu'une modestie, c'est-à-dire une acceptation de l'effacement. Et c'est ça qui fait toute la poésie du théâtre de Beckett, parce que à la fin, c'est cela que c'est d'abord de la poésie, Catherine Legret. Oui, je le pense profondément, et Beckett lui-même disait que finalement, il était passé au théâtre pour arriver à, il disait, une poésie en suspens dans le vide. Et c'est véritablement ce qui se passe dans ses dernières œuvres. Notamment, évidemment, les œuvres pour la télévision, où l'on a des bribes de poésie, des bribes de musique, avec des images, et comme vous le dites, qui sont très travaillées par l'ombre et la lumière, comme en peinture d'ailleurs. Ça aussi, c'est un autre thème, la peinture, dont on parlera demain. Merci beaucoup, Catherine Legret. Pour aller plus loin, on peut lire le livre que vous avez consacré à l'auteur qui nous intéresse cette semaine, sobrement intitulé Samuel Beckett, aux éditions Ide et Calande. C'est dans la collection Théâtre 2. Tout de suite, la chronique. Mathieu Garrigou-Lagrange. Chronique qui nous est proposée aujourd'hui par Mayalène Berasategui du Nouveau Magazine Littéraire. Bonjour Mayalène. Vous venez nous parler aujourd'hui de la censure en Irlande, contre laquelle Beckett a d'ailleurs beaucoup milité. Oui, en fait, Beckett a eu Maya Pathyr avec la censure au Royaume-Uni et en Irlande, où il y avait deux systèmes différents. Au Royaume-Uni, il y avait un système qu'on appelle le système Lord Chamberlain, où en fait la censure se faisait en amont, un peu comme en France, vous êtes auteur, vous êtes directeur, vous envoyez votre pièce à cet organisme qui vous dit là ça passe, là ça passe pas, là tu changes, voire on ne veut pas du tout de ta pièce. L'Irlande censurait allègrement tout ce qui était livre, tout ce qui était imprimé, mais ils n'avaient pas de ce type de structure pour le théâtre. Ça fait qu'en Irlande, on pouvait voir des pièces comme En attendant Godot dans leur intégralité, là où elles avaient été modifiées en Angleterre. Et des fois, le système anglais était très très absurde, parce que, par exemple, dans le cas de Beckett, la censure anglaise avait dit « fin de partie, pas de problème, en français, go », et elle a dit « endgame, si, problème de vocabulaire, la traduction lui allait pas ». Tout d'un coup, ça devenait beaucoup plus grossier. Alors pourquoi Beckett refuse-t-il de laisser jouer ses pièces si l'État ne les censure pas? Parce que c'est bien ce qui s'est passé aussi, Maïlène. Mais en fait, il a refusé qu'elles soient jouées en Irlande à partir de 1958 parce que là-bas, la censure du théâtre était beaucoup plus insidieuse. C'est pas l'État qui censure, c'est les directeurs de théâtre, c'est les directeurs de festivals. Un auteur comme Yeats, qui est de la génération qui précède Beckett et qui dirige le Abbey Theatre, comme auteur, il va faire les gros bras, il va dire « il faut défendre le génie irlandais, je suis contre la censure, il faut pas que l'Église s'en mêle ». Comme directeur de théâtre, il va censurer les pièces parce qu'il veut que son théâtre puisse en fait survivre. Il a peur que l'État s'en mêle, il a peur que le théâtre ne puisse pas survivre sur le plan économique ou qu'il ait une trop mauvaise réputation. Donc en fait, la crainte des directeurs de théâtre, la crainte des directeurs de festivals tout au long du 1er 20e siècle, ça va être que l'État se dote d'une structure comme en Angleterre. Donc en fait, ils sont entre le marteau et l'enclume, et c'est eux qui censurent. Alors comment la décision de Beckett de ne plus autoriser les représentations de ses œuvres a-t-elle été accueillie en Irlande ? En fait, les organisateurs, les directeurs de festivals, les directeurs de théâtre, l'intelligentsia du théâtre ne s'attendaient pas forcément à cette décision, dans la mesure où Beckett n'était pas la première victime de la censure en Irlande. Ce qui s'est passé en 1958, c'est que l'archevêque de Dublin, qui faisait tous les ans une messe d'ouverture pour le festival de théâtre, a dit « moi cette année, je ne fais pas la messe d'ouverture du festival, parce que il y a l'adaptation d'Ulysse de James Joyce, ça ne me va pas, et il y a une pièce de Sean O'Casey qui s'appelle The Drums of Father Ned, et dans cette pièce, on parle de la censure exercée par l'Église, qui appelle notamment à brûler des livres de Joyce. Donc, l'archevêque ne veut pas dire sa messe, et ce qui se passe, c'est que les directeurs du festival cèdent, ils retirent certaines pièces du programme, et à partir de là, des auteurs dont Sean O'Casey et dont Beckett vont dire « bon ben ok ». Ben en fait, c'est nous qui décidons que nos pièces ne seront plus jouées, ni là, ni en Irlande par des compagnies professionnelles. Et s'il vous plaît, les compagnies amateurs, soyez gentils, ne les jouez pas non plus, même si on ne vous les interdit pas. Et finalement, c'est la grande limite de ce système irlandais où il n'y a pas de censure d'État. C'est que du coup, c'est pas l'État qui censure, et ça ne va plus être les directeurs, ça va être les auteurs eux-mêmes qui vont décider de ne pas y aller. C'était plus facile pour Beckett de prendre cette décision que pour des auteurs qui n'auraient eu un public qu'en Irlande, mais c'était quand même une décision très courageuse. Merci beaucoup Maïlène Berasategui pour ces précisions sur la censure au Royaume-Uni et en Irlande du temps de Beckett. À bientôt. C'était La Compagnie des œuvres, une émission proposée par Laurence Millet, Hélène Rivière, Léa Sabourin, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault et Marie-Claire Oumabadi. Demain, on terminera notre parcours beckettien avec Guillaume Gévray qui nous parlera des rapprochements entre l'œuvre de l'écrivain et dramaturge et les différents arts, notamment plastiques.